Chapitre 114. L'autorisation de boire debout, bien que la position assise soit meilleure. 767. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: J'ai donné à boire de l'eau de Zamzam au prophète alayhi salatu wassalam et il a bu debout. Al-Bukhari et Muslim. 768. D'après An-Nazzal ibn Sabra radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu se présenta un jour à la porte Ar-Rahba à Koufa et but debout. Puis il dit: J'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam faire ce que vous venez de me voir faire. Al-Bukhari. 769. Ibn Omar radiyallahu anhuma a dit: Du temps du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, nous mangions en marchant et buvions en étant debout. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 770. Amr ibn Shu'aib rapporte d'après son père, selon son grand-père, que ce dernier a vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, boire debout comme il l'a vu boire assis. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 771. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit que l'on boive debout. Qatada a dit: Nous avons demandé à Anas, et concernant le fait de manger debout? Il répondit: C'est pire encore. Muslim. D'après une autre version de Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a réprouvé et défendu de boire debout. Muslim. 772. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Que personne parmi vous ne boive debout, et s'il oublie, qu'il se force à vomir. Muslim. 772.